quand j'attends aucune nouvelle que tu m'en donnes. C'est quand je rencontre quelqu'un que je te rends folle. Je te dis que t'es toxique, tu me dis que je suis toxique. T'allumes un pur et on s'envole. Lendemain matin déjà les embrouilles. Et après tu te plains que je te laisse en vue. Quand on est ensemble que des ennuis. Mais je retiens que les bons souvenirs quand tu me rappelles. Un an qu'on s'embrouille dès qu'on se parle. Y'a tout qui est instable, pourtant à 100%. Je t'ai fait confiance, on se refait la même vague. Et puis tu redisparais en m'envoûtant. Des mecs dans ta vie y'en a trop. Mais tu m'as dit qu'à tes yeux j'étais unique. T'as vu mon affiche dans le métro, t'étais fier, mais devant ton mec, ouais, tu faisais la timide. On se follow, on s'unfollow comme des gosses, mais là je t'ai dit j'arrête, au revoir à jamais. Je t'ai tout donné, mais t'étais pas net, t'étais navré, les années sont passées. J'ai retrouvé ce couplet en tapant ton nom sur mon tel. Depuis tellement d'épreuves, j'ai surmonté. J'espère que tu vas bien, toi et tes immenses rêves. Loin des records et des dangers, j'ai pris mon temps pour oublier. Dis, c'est quoi ta vie sans moi? Et si je partais en fumée comme un vieux bâtiment brûlé, je pourrais voler sans toi. Je sais, je prends mon temps, mais je me suis cherché comme un diamant. Tu vois, c'est consternant, nos souvenirs sous les bombardements. Je sais, je prends mon temps, mais je me suis cherché comme un diamant. Tu vois, c'est consternant. Ce refrain du roi, tu le chantais en boucle. Je t'ai invité à son concert. Tu m'avais dit, vous devriez faire un feat ensemble, ouais. Y'a du potentiel, et maintenant que c'est fait, que j'ai parlé de toi, je suis presque sûr que tu me rappelleras. Me proposeras une pièce de théâtre ou un film que j'ai jamais vu. Qui repasse dans un vieux cinéma, mais je te dirais non. Rappelle pas, ouais, je te dirais non. En plus, j'ai plus le même numéro. Et même si tu l'as, ouais, je te dirais non. Je retombe pas là-dedans. J'ai l'esprit libre, j'aime une fille plus que tout. Je pensais pas que ce serait possible, comme quoi. Une seule vie, plusieurs amours, la folie. J'ai grandi avec toi sans que tu t'en rendes compte. Et je sais ce que je veux, et surtout ce que je veux plus. Et surtout ce que je veux plus. Les années sont passées, et je sais pas pourquoi. Y'a encore ton nom sur mon tel. Depuis tellement d'épreuves, j'ai surmonté. J'espère que tu vas bien, toi et tes immenses rêves. Loin des records et des dangers, j'ai pris mon temps pour oublier. Dis, c'est quoi ta vie sans moi? Et si je partais en fumée comme un vieux bâtiment brûlé, je pourrais voler sans toi. Je sais, je prends mon temps, mais je me suis cherché comme un diamant. Tu vois, c'est consternant, nos souvenirs sous les bombardements. Je sais, je prends mon temps, mais je me suis cherché comme un diamant. Tu vois, c'est consternant.